à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous parle des vautours, ces oiseaux encore trop souvent craints et mal aimés, et de mon chouchou, le gypaète barbu, un oiseau vraiment pas comme les autres. Dans l'interview, j'ai la chance de tendre mon micro à Michael Nicolas, éducateur nature et coordinateur de projet au sein de l'association Nature en Occitanie. Il nous parle de son métier au service de la sauvegarde de la biodiversité, du pôle médiation faune sauvage et du projet Trésor de mon jardin. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On les voit ricaner de manière inquiétante dans les aventures de Lucky Luke, en se réjouissant du sort des malheureux qui s'aventurent vers un destin funeste, sans espoir de salut. Dans Tintin et le Temple du Soleil, le plus grand d'entre eux, le Condor des Andes, s'empare de Milou et l'emmène jusqu'à son nid pour le dévorer. Pas de doute, les histoires ne font pas bonne presse aux vautours. Volatiles aux dimensions parfois gigantesques, habitués des cimes, on les voit planer en cercle au-dessus des vallées en quête d'une carcasse fraîche. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour les transformer en créatures funestes, annonciatrices de malheurs et sources de terreur. Pourtant, les vautours sont inoffensifs. Contrairement à ce qu'affirment les articles de presse qui fleurissent chaque été dans les journaux, ces oiseaux ne consomment que des animaux morts, inanimés, raides. Donc, le condor qui s'attaque à un chien vivant comme dans Tintin, vous oubliez. Idem avec les vaches dans les alpages. Les vautours ne tuent pas une proie en pleine santé. Ce sont des charognards exclusifs. Certains vautours sont même incapables d'entamer une carcasse car leurs serres et leurs becs ne sont pas assez puissants pour créer une brèche dans la viande. Ils doivent donc attendre patiemment que d'autres animaux, comme le renard ou l'aigle, commencent le festin pour passer derrière eux. En France métropolitaine, on trouve quatre espèces de vautours. Le vautour percnoptère, à la tête jaune et au plumage blanc, connu pour casser des œufs en jetant des pierres dessus. Le vautour fauve, emblématique, à la collerette blanche remarquable à la base du cou. Le vautour moine, plus foncé et le plus grand de tous. Et bien sûr, mon chouchou, tout de roux vêtu, le gypaète barbu. Laissez-moi vous décrire cet oiseau incroyable qu'est le gypaète, Gypaetus barbatus, unique représentant de sa famille. Contrairement à la majorité de ses cousins, il n'a pas le cou dégarni, ce qui permet pourtant aux autres vautours de fouiller dans des entrailles sans que ce soit trop salissant. Pratique. Le gypaète a davantage l'allure d'un grand aigle. C'est d'ailleurs la signification de son nom. Gyps, vautour, et aethos, aigle, en grec. Les plumes de son dos et ses ailes sont d'un beau gris anthracite, marqué en leur centre, au niveau de la barbe, la tige centrale de la plume, d'un trait blanc très distinctif. Cela confère à cette partie de son plumage un rendu très graphique. Son envergure atteint les 2,80 m en moyenne. Pour comparaison, et même si vous devez me croire sur parole, moi je mesure 1,57,5 m. Oui, la virgule, c'est important. Un gypaète a donc une envergure qui fait presque deux fois ma hauteur. Ça en jette. Il est également affublé de chaque côté de la tête d'un sourcil noir qui descend au-dessus de ses yeux pour former une longue moustache de plume noire à la base de son bec. Cet appendice plumeux relègue la moustache de Tom Selleck, le fameux interprète de Magnum, à la seconde position sur le podium des plus belles bacchantes. Ses yeux sont cerclés de rouge, ce qui lui a valu toutes sortes d'accusations de pacte avec le diable et autres rites sataniques. Et pour parachever le tout, sa tête et son ventre arborent un roux insolent et éclatant, la couleur du malin et des traîtres. Cette couleur si particulière ne vient pas de caroténoïdes, des substances issues de son alimentation connues pour colorer d'autres oiseaux. Notre gypaète se teint lui-même les plumes en se baignant dans des boues riches en oxyde de fer. On l'accusait alors de se baigner dans le sang de ses victimes. Creepy! En réalité, cette coloration cosmétique est plutôt rare dans le monde animal. On se demande encore aujourd'hui quelle est sa réelle fonction, outre lui donner une allure totalement badass. On a pensé un temps que ces bains d'ocre avaient des propriétés contre les bactéries. Ils protégeraient les plumes de l'oiseau adulte et potentiellement ses jeunes poussins au nid. Mais l'article publié en 2019 par l'équipe d'Anthony Margalida dans le journal PRG montre que ce n'est pas le cas. Quand ils appliquent la bactérie grignoteuse de plumage, les plumes sont dégradées en 7 jours, qu'elles soient teintes ou non, grâce aux ocres. Aussi, trois types de bactéries, Bacillus licheniformis, Coccuria rhizophila et la célèbre Escherichia coli, se développent très bien sur les oxydes de fer et les ocres, ce qui démontre bien que ces substances n'ont pas d'effet sur leur croissance. Il semblerait donc que la teinture du gypaète joue un rôle social et envoie un signal aux autres individus. On peut penser que les animaux les plus sombres en termes de coloration indiqueraient aux autres qu'ils sont dominants ou bien qu'une différence de couleur pourrait exister entre les mâles et les femelles. Les individus les plus colorés pourraient aussi montrer aux autres qu'ils sont des partenaires de très bonne qualité. L'article publié en 2022 dans le journal Ibis par l'équipe de Stéphane Duchâteau explore ces différentes possibilités. Leur conclusion ? Les femelles gypaètes sont significativement plus sombres que les mâles, et comme elles sont plus grosses qu'eux, comme c'est souvent le cas chez les rapaces, on peut penser que la coloration indique le statut de dominance chez ces oiseaux. Il a aussi été suggéré que dans certains trios, la dominance des individus serait indiquée par leur couleur. Car oui, les gypaètes peuvent se mettre en couple, mais aussi en trio, constitué souvent de deux mâles et une femelle, pour se reproduire. Les mâles subordonnés sont en moyenne plus pâles que les mâles dominants du trio, mais les résultats ne sont pas significatifs. La couleur sanguine du gypaète conserve donc encore sa part de mystère. Pourtant, s'il y a bien un vautour qui est encore moins intéressé par la chair fraîche et le sang que les autres, c'est bien le gypaète. Car si ses confrères vautours viennent nettoyer les chairs qui restent sur les squelettes, notre oiseau, lui, arrive en dernier et se régale des os, justement. Son estomac au pH très acide lui permet de digérer des morceaux de fémur ou de tibia qu'il avale tout rond après quelques contorsions comiques. Mais essayez donc d'avaler une colonne vertébrale de bouquetin pour voir. Quand les os sont trop gros pour lui, le gypaète ne se laisse pas abattre. Il saisit dans ses serres les os et les laisse tomber sur un pierrier, une zone hérissée de rochers, afin de les briser. Il n'a plus qu'à descendre récupérer les éclats pour les manger. Cette pratique est à l'origine de son nom espagnol, quebranta huesos ou quebra osos en portugais que l'on pourrait traduire par casseur d'os. En grec, on l'appelle keloni phagi, de phagi qui mange et keloni la tortue. En Méditerranée, notre oiseau est connu pour briser les carapaces des tortues en les larguant sur des rochers. Une légende célèbre raconte même que notre gypaète se serait compromis dans une sombre histoire de meurtre. En effet, le dramaturge grec Eschyle, qui résidait en Sicile, avait reçu une prédiction comme quoi il mourrait dans la chute d'une maison. Prenant l'oracle très au sérieux, il passait donc toutes ses journées dehors pour éviter le moindre accident. Le pauvre homme ne peut cependant pas échapper à son tragique destin et il meurt brutalement en recevant une tortue sur la tête. L'oracle avait raison. Avec la carapace, c'est donc bien une maison qu'il avait reçue sur le crâne. Les récits anciens relayés par Pline et donc à examiner avec moult pincettes et précautions, vu la fiabilité du loustique, mentionne Aquila, l'aigle, comme suspect, mais le gypaète, qui adopte également ce comportement, remonte dans la liste des coupables présumés. Chez nos voisins allemands, il est affublé du nom de Lammergeier, le vautour des agneaux. On croyait que le gypaète se saisissait d'animaux vivants, tels que des agneaux, mais aussi des bébés humains, pour les balancer sur des rochers. L'imagination humaine ne connaît aucune limite. Toutes ces superstitions sanglantes autour du gypaète pourraient nous faire sourire, mais elles ont eu un effet tout autre sur les habitants qui ont méticuleusement veillé à faire disparaître l'étrange oiseau de nos montagnes. Il a aussi été une victime collatérale de la chasse aux autres prédateurs, tels que le renard ou le loup. En empoisonnant les carcasses pour tuer ces animaux, notre éboueur, en les consommant, s'empoisonne également. Au début du XXe siècle, dans les Alpes, on offre même une prime à quiconque abattra le volatile satanique considéré comme nuisible. La mesure est si efficace que le gypaète disparaît totalement du massif alpin. Le dernier spécimen connu est tué en Italie en 1913. En Europe, seuls subsistent des individus dans les Pyrénées, en Corse et en Crète. Il faudra attendre 1972 et la loi qui protège tous les rapaces de France pour que la situation change. Petit à petit, l'idée fait son chemin et plusieurs initiatives tentent de réintroduire les gypaètes dans les Alpes. Au départ, c'est un échec. Des animaux venus de l'étranger, prélevés en nature en Afghanistan, sont hébergés en volière pour être relâchés, mais les animaux meurent rapidement. Les protecteurs changent de stratégie et concentrent leurs efforts via la reproduction d'oiseaux en captivité. Le zoo d'Innsbruck, en Autriche, est pionnier en la matière, et en 1986, les premiers jeunes gypaètes sont réintroduits dans la nature. C'est tout un réseau mené par ASTER, le Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie, qui se met en place entre l'Autriche, la Suisse, l'Italie et la France pour tenter de reconstituer une population viable dans le massif alpin. En 2017, ASTER a rénové l'unique centre d'élevage français de gypaètes barbus situé en face du Mont Blanc et qui peut héberger au maximum 4 couples. Il a pour objectif de relâcher les poussins nés de ces unions dans le massif. En 2021, 4 œufs issus de 3 couples différents ont été pondus et un poussin a été relâché en Suisse. Si vous voulez suivre tout ça en direct, le centre est équipé de webcams qui permettent de suivre la vie des couples et de leurs petits. Grâce à tous ces efforts conjugués, le casseur d'os a pu faire son retour timide mais remarqué dans les Alpes. En 2008, à la fin du projet Life Nature dédié aux gypaètes, la population était estimée à 130 individus. En 2021, la Vulture Conservation Foundation a recensé 300 individus et 60 couples reproducteurs dans les Alpes. Et ce sont plus de 1000 individus qui virevoltent dans le ciel des Pyrénées françaises et espagnoles. Même si son statut est toujours extrêmement fragile, ses résultats sont encourageants et permettent d'espérer la reconstitution d'une population viable dans nos montagnes. Une fois de plus, le christianisme et ses croyances ont scellé le sort du gypaète en Europe. Alors qu'ailleurs, au Tibet notamment, il est vu comme un animal sacré, un passeur qui accompagne l'âme des défunts dans l'au-delà. Heureusement, les mentalités évoluent et l'on s'est rapidement rendu compte que l'absence des vautours avait un prix. Sans eux, il faut payer les carisseurs pour enlever les carcasses des animaux morts en montagne ou se voir confronté à des risques d'épidémie. Même si certaines croyances ont encore la vie dure, le gypaète a su conquérir les cœurs et son utilité dans notre écosystème est avérée. Son allure atypique inspire les artistes et les rêveurs. Et quel bonheur de pouvoir de nouveau contempler sa large silhouette tournoyée au-dessus de nos têtes. Merci, le gypaète. Nous revoici avec notre invité, Michaël Nicolas, éducateur nature et coordinateur de projet au sein de l'association Nature en Occitanie. Il nous parle de son métier au service de la sauvegarde de la biodiversité. Alors avant toute chose, je dois dire d'abord que je suis ravie que l'on arrive enfin à faire cette émission, car il faut savoir que grâce à Michaël qui m'a aidé dans l'ombre à maintes reprises, le NITPI et l'association Nature en Occitanie, c'est quand même une histoire qui dure. Vous pourrez retrouver sur les ondes de campus à mon micro plusieurs membres de l'association. Pierre-Olivier Cochard et Romain Bagui nous avaient parlé de punaise et Thomas Budzi nous avait présenté le hibou grand-duc dont il assure le suivi de population. Il semblerait donc que l'association compte de nombreux membres qui s'intéressent à toutes sortes de formes de vie. On peut le voir avec la diversité des invités que l'on a déjà rencontrés. Alors, pour celles et ceux qui découvriraient Nature en Occitanie, est-ce que vous pouvez nous résumer les missions de l'association ? Oui, donc l'association Nature en Occitanie, c'est une association de protection de la nature qui existe depuis 1969. On a plus de 50 ans maintenant. C'est une association dont les activités tournent autour de la biodiversité et notamment à travers 4 axes. Nous sommes une association naturaliste donc, qui étudie la biodiversité. On améliore la connaissance sur la biodiversité régionale à travers notre statut d'association régionale. Il y a beaucoup de naturalistes dans notre association, comme Pierre-Olivier ou Romain, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ensuite, on est une association d'éducation à l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'intérêt aujourd'hui à acquérir des connaissances sans les vulgariser, sans les rendre accessibles au grand public. Si on veut passer à l'action, il faut rendre accessible cette connaissance. Donc, on a ce pôle d'éducation à l'environnement. Donc, on participe à des stands, des animations auprès de tous les publics, animations auprès des scolaires, auprès des élus, des collectivités, auprès du grand public et auprès des personnes en situation de handicap également, tout handicap confondu. Ensuite, on est une association gestionnaire de milieux naturels. Donc, on est gestionnaire de deux réserves naturelles à l'échelle de la région. La réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège, au sud de Toulouse, et la réserve du Montius dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. On accompagne également les collectivités à travers des conventions pour mieux prendre en compte la biodiversité. Dans les espaces verts, par exemple, on forme des jardiniers, on accompagne des élus sur des prises de décision. Et le quatrième volet, on est aussi une association militante, grâce notamment à notre réseau et notre appartenance au réseau FNE, avec FNE Midi-Pyrénées, où on essaie de garder une oreille attentive à tous les projets qui peuvent porter atteinte à la biodiversité à l'échelle régionale pour apporter des informations, des arguments sur la présence de telle ou telle espèce, hein, qu'elle soit ordinaire, entre guillemets, ou protégée, et faire que les porteurs de projets aient connaissance le plus tôt possible de la présence des espèces sur des territoires d'aménagement pour les accompagner et si les choses vont un petit peu plus loin, grâce à FNE, pouvoir aller en justice pour dénoncer certaines pratiques quand les gens ne veulent pas les entendre. Ouais. FNE, du coup, c'est un réseau, c'est France Nature Environnement, c'est ça ? C'est ça, France Nature Environnement. Donc nous, on est membre de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, qui est une tête de réseau qui coordonne, on va dire, ou qui valorise les associations régionales qui travaillent dans le monde de l'environnement. Voilà, donc c'est une sorte de rassemblement d'associations naturalistes. Exactement. Qui travaillent ensemble. C'est ça. Donc ça veut dire, si je résume, vous avez à la fois des naturalistes qui font de l'inventaire faunique, floristique, vous regardez un peu tout ça, vous allez voir les gens pour les former, vous organisez aussi des sorties nature. Oui. Ouais, mmh. Avec le grand public, et puis voilà, c'est vraiment un aspect très très large. C'est ça. Du coup, je voulais savoir quelles sont vos missions à vous au sein de l'association. Alors moi, j'interviens sur plusieurs pôles. Alors moi, je suis naturaliste à l'origine, avec une sensibilité plutôt sur l'herpétologie, donc l'étude des reptiles et des amphibiens. Et aujourd'hui, mon métier, c'est éducateur nature. Donc mon métier, c'est de vulgariser la connaissance naturaliste, on pourrait appeler ça aussi médiateur, pour la rendre accessible à tous les publics. Mais ça veut dire qu'il faut s'adapter selon les publics, parce qu'on parlait à la fois du scolaire, du grand public, des élus, des personnes en situation de handicap. J'imagine que ça fait une certaine acrobatie pour vous, quoi. C'est ça. Il faut trouver le discours qui parle le plus à son public, donc parler le même dialecte, et également avoir les outils adaptés pour faire passer des messages, parce que l'idée n'est pas que de vulgariser, mais de faire passer un message qui va changer parfois des comportements ou faire prendre conscience aux gens de leur impact sur la biodiversité, qu'il soit positif ou négatif. Alors, c'est une question qui peut être purement intéressée pour celles et ceux qui auraient envie de vous imiter. Comment est-ce qu'on devient éducateur nature dans une asso naturaliste ? Vous, quel a été votre parcours ? Alors, il y a plusieurs parcours pour le devenir. Moi, le mien, il est un peu atypique. De par ma casquette de naturaliste et d'éducateur nature. Moi, j'ai un master 2 en écologie aquatique à l'origine. Voilà, j'ai plutôt un parcours universitaire. Et à la fin de mon parcours universitaire, je me suis posé des questions, comme beaucoup d'universitaires qui partageront sans doute cette idée avec moi, de me dire qu'est-ce que je vais faire avec ce bagage universitaire. Et je me suis posé la question sur mon parcours, et en fait j'avais depuis très très longtemps travaillé sur de la médiation, sur de la vulgarisation. J'étais animateur dans des centres de loisirs, j'ai animé des colos, etc., avec une sensibilité nature. Et en fait, quand j'ai mis ces deux profils l'un à côté de l'autre, est sorti comme une évidence ce métier d'éducateur nature ou de médiateur naturaliste. Et du coup, je suis devenu bénévole dans plusieurs associations, d'abord en Auvergne, sur mon territoire natal, puis ensuite dans le Gers, donc en ex-Midi-Pyrénées, en Occitanie, où j'ai appris sur le tas à vulgariser des programmes scientifiques sur lesquels j'intervenais. Donc, notamment, j'ai travaillé sur un programme d'études de la cistude d'Europe, donc une tortue protégée, dans le Gers. Et donc, j'ai vulgarisé cette étude scientifique auprès des scolaires. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une fibre que je pouvais exploiter, qui permettait d'éveiller les regards, d'émerveiller parfois le public, que ce soit des adultes ou des enfants. Et j'ai senti dans le regard des gens qu'il y avait un véritable impact de la vulgarisation sur leur modification de comportement. Voilà. Et donc c'est ce qui m'a plu et j'ai continué sur cette lignée que j'ai beaucoup développée à l'association et qui occupe une grande partie de mon emploi du temps aujourd'hui. Mais du coup, pour le, parce que c'est vrai que le milieu associatif, est-ce que la clé pour celles et ceux qui seraient tentés, c'est vraiment d'intégrer en tant que bénévole, d'essayer de voir un peu comment ça fonctionne pour ensuite voir si des postes s'ouvrent? Oui, exactement. Ben, moi, je suis rentré à l'association Nature en Occitanie qui s'appelait Nature Midi-Pyrénées à l'époque, en tant que bénévole, en l'occurrence. Voilà, j'étais au groupe Herpéto, donc un groupe de bénévoles qui s'intéresse aux reptiles et amphibiens et qui mène des actions pour leur préservation. Et en gros, en arrivant en tant que bénévole, ben, je me suis impliqué dans des actions. Petit à petit, j'ai pris des responsabilités que l'association m'avait confiées. Et de fil en aiguille, j'ai augmenté mes connaissances, augmenté mes compétences. J'ai touché du doigt la coordination de projets. Et en 2014, je suis devenu salarié, ce qui m'a permis de développer encore plus de projets avec... toujours en arrière-plan, la possibilité et la chance, je vais même dire, d'accompagner des bénévoles pour le développement de projets sur des thématiques diverses et variées, hein, qui vont de la protection des oiseaux jusqu'aux reptiles amphibiens ou même les plantes. Donc pour accompagner des bénévoles dans des idées d'action qu'ils pourraient déployer à l'échelle du territoire, comme le projet du pôle de médiation faune sauvage qui est né au niveau des bénévoles dans le groupe Herpéto. Ah oui, donc c'est vraiment une initiative au départ des bénévoles qui a bougé dans l'assaut. Exactement. Donc forcément, ce pôle médiation faune sauvage, c'est donc une de vos actions qui cristallise donc vos efforts. Donc là aussi, la sensibilisation est très importante, on va y revenir. En quoi est-ce que ça consiste exactement, ce pôle de médiation faune sauvage? Alors pour revenir un peu sur l'origine du pôle de médiation faune sauvage, en fait, il a été créé, donc comme je le disais tout à l'heure, au niveau du groupe Herpéto, donc à part des bénévoles qui ont eu envie de protéger ces animaux, notamment les serpents, des coups de pelle malencontreux ou volontaires qui leur sont infligés, et d'apporter des éléments de sensibilisation pour accompagner les gens vers une cohabitation possible avec les serpents. Voilà, montrer aux gens que les serpents ne sont pas dangereux, que c'est normal de retrouver un serpent dans son jardin, et surtout d'expliquer pourquoi ces serpents sont fréquents dans les jardins à tel ou tel moment de la saison. Donc en 2009, ce projet a été créé par les bénévoles. Donc au début, on avait quelques cas. Et petit à petit, en faisant connaître cette action, on a dû dupliquer nos moyens. Donc on a eu de plus en plus de bénévoles. On a eu également des moyens techniques. Voilà, on avait un téléphone qu'on se passait d'astreinte. On répondait de jour comme de nuit aux gens qui avaient des problèmes de cohabitation avec des serpents. Et puis les pompiers ont commencé à nous appeler aussi, parce qu'ils sont fréquemment appelés pour ces problèmes de cohabitation. Et là, on a commencé à se dire qu'il fallait un appui autre qu'un appui bénévole pour pouvoir répondre à tous ces appels. Et donc, puis là, à l'époque, c'est vous qui preniez en charge les animaux, si on vous en amenait sur place, ou comment ça alors, se passait? Les serpents nous amènent rarement sur place. Okay. Voilà, la problématique, les serpents, gens y touchent pas. C'est ça, la problématique, c'est surtout les gens nous appellent pour dire qu'ils ont vu un serpent dans leur jardin ou qu'ils ont un serpent qui est malencontreusement rentré dans le garage ou dans la cave et il faut venir, tel le SOS fantôme, sortir le démon de la maison. Donc voilà, nous, dans notre idée, on intervient, on explique quand on arrive à voir l'animal, on montre aux gens de quel animal il s'agit, que l'animal n'est pas dangereux, on explique comment le reconnaître et on explique également pourquoi l'animal fréquente le jardin, à quels endroits il aime bien vivre et comment on peut cohabiter. Donc ne pas détruire son habitat qui reviendrait à détruire une espèce protégée, mais plutôt lui favoriser des habitats un peu plus loin de la maison pour favoriser la cohabitation. Donc en effet, les bénévoles intervenaient, donc les bénévoles dont je faisais partie, intervenaient aussi bien sur le terrain qu'en répondant à des appels. Au début, on intervenait beaucoup, beaucoup sur le terrain, ce qui a un peu évolué après, j'y reviendrai. Et en 2014, on a eu l'opportunité, grâce à des financements européens, des financements de l'État et de la région Occitanie, de pouvoir financer la création d'un pôle de médiation faune sauvage dont l'objectif était toujours de sensibiliser les gens à une meilleure cohabitation avec la biodiversité locale, de proximité. Et dans notre programme de sensibilisation, on a inclus le pôle de médiation faune sauvage qui, avec le volet également SOS Serpent. Donc on ne traitait plus que les cas herpéto, mais aussi les cas d'oisillons tombés du nid, les cas de hérissons trouvés dans un jardin, etc. Donc on a élargi les thématiques d'intervention. Et du coup, aujourd'hui, ce pôle médiation faune sauvage, il travaille en collaboration avec l'école vétérinaire de Purpan. Oui. Comment ça se passe exactement? C'est-à-dire que quand les gens appellent, s'ils tombent chez vous, vous les renvoyez vers la clinique et les gens se déplacent pour l'amener. Comment est-ce que la coordination entre Nature en Occitanie et l'école vétérinaire se passe? Alors, on a créé un partenariat avec... Alors, l'école vétérinaire est un partenaire du réseau depuis longtemps maintenant, au même titre que d'autres centres de soins à l'échelle de la région, le domaine des oiseaux, la LPO du Tarn, entre autres. Et en fait, la proximité avec la clinique vétérinaire faune sauvage de l'ENVT à Toulouse a fait qu'on a eu un lien un peu plus étroit qui s'est entretenu avec une volonté vraiment prégnante et mutuelle de travailler un peu plus ensemble pour améliorer le fonctionnement aussi bien sur la sensibilisation, la médiation que la prise en charge des animaux. Donc nous aujourd'hui les gens nous appellent et on ne réoriente vers la clinique vétérinaire que les cas qui nécessitent une intervention de vétérinaire ou les cas qui ont une probabilité de réhabilitation qui est grande. Voilà. Du côté de l'école vétérinaire, ils ont noté sur leur site internet, sur leur page d'accueil, notre contact, ce qui nous permet, nous, dans un premier temps, de faire un pré-filtre des cas qui nécessitent des soins ou de cas qui nécessitent juste une action de médiation et de réorienter vers eux que les cas qui nécessitent des soins. Voilà. Donc on a ce rôle de standard et de pré-filtre qui permet vraiment à la clinique faune sauvage de l'école vétérinaire de Purpan de pouvoir se concentrer sur les animaux qui ont besoin de soins et de ne pas passer de temps à donner des renseignements sur un animal qui n'aurait pas besoin de soins, un hérisson trouvé dans le jardin sans aucun problème, un oiseau tombé du nid qui continue d'être élevé par ses parents et donc on a juste un discours à avoir. Voilà. Oui, donc l'idée, vous, c'est vraiment d'essayer de guider parce que c'est vrai que, comme on le disait, il y a des animaux qui n'ont pas besoin de soins. C'est vrai qu'en ce moment-là, voilà, on est au printemps, les jeunes oiseaux qui tombent du nid, qui sortent du nid des fois de leur plein gré parce qu'ils ont toutes leurs plumes, ils ne savent pas encore voler. Souvent, ils sont encore occupés par les parents. Mais si, par exemple, et c'est malheureusement assez souvent le cas, s'il y a des chats qui rôdent autour, dans ce cas-là, par exemple, qu'est-ce que vous conseillez de faire? Est-ce qu'il faut placer l'animal ailleurs? Quelles alternatives est-ce que les gens ont s'ils veulent aider cette petite bête? Question piège du chat. Alors le chat, il faut savoir que c'est une des premières causes de disparition des oiseaux dans le monde. Peu de gens le savent, beaucoup de gens ont des chats chez eux et offrent la nature à ces chats qui divaguent toute la journée. On a énormément d'appels, notamment sur les oiseaux, les oisillons tombés du nid, où les gens ne veulent pas les remettre dans la nature parce qu'il y a des chats. Nous, on explique deux choses. En termes d'écologie, les oiseaux, les jeunes oisillons qui sont tombés du nid, entre guillemets, il faut savoir qu'un nid, ça fait quelques centimètres carrés et qu'à la fin d'un élevage, un seul oiseau pourrait tenir dans le nid et il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, à partir d'un moment, les oiseaux vont s'emplumer petit à petit, les parents vont les nourrir et les forcer à sortir du nid pour s'émanciper. Et cette sortie du nid peut être sujette à de nombreux essais infructueux, donc un oiseau qui sort, qui a loupé son premier envol et qui se retrouve par terre. Dans ces cas-là, la meilleure façon de procéder si on veut aider ces oisillons, la première chose à faire, c'est de ramasser l'oisillon et de le remettre au plus près du nid, en hauteur, sur une branche, pour qu'il puisse continuer de découvrir son territoire naturel, mais aussi et surtout continuer d'être alimenté par ses parents directement. Voilà, les parents sont jamais très très loin et continuent d'élever les jeunes jusqu'à ce qu'ils soient émancipés. La présence de chats, c'est un problème sur plusieurs raisons. Déjà, quand l'oiseau tombe du nid, s'il a loupé son premier envol et qu'il n'est pas capable de revoler tout seul tout de suite, le chat qui va passer par là va en effet essayer de l'attraper et de le manger. Donc le fait de le mettre en hauteur, on le préserve déjà de cette prédation. La deuxième chose qui pour moi est la plus importante et sans laquelle ça ne peut pas fonctionner, c'est qu'il faut vraiment que les propriétaires de chats prennent conscience qu'un chat, c'est vraiment un prédateur assez important qui, en l'occurrence, va chasser, non pas forcément pour se nourrir, parce qu'ils sont généralement très bien nourris. Souvent, il y a des bonnes croquettes. Exactement. mais c'est un chasseur qui va plutôt ramener des proies à son propriétaire pour lui montrer que c'est un animal fidèle qui fait son travail, etc. Donc, moi, j'encourage vraiment les propriétaires de chats à maintenir le plus possible les chats chez eux, à l'intérieur. Et si les chats doivent aller à l'extérieur, il existe des dispositifs pour empêcher les chats d'attaquer les oiseaux. Donc, un collier avec un petit grelot. Ils font des colliers assez esthétiques maintenant. On peut trouver ça assez facilement sur Internet. Et une des mesures aussi qui est importante, c'est la stérilisation des chats. Parce qu'un chat qui appartient à un propriétaire qui est maîtrisé, ça peut créer des problèmes, mais beaucoup moins qu'un chat qui serait né dans la nature et qui va créer beaucoup plus de problèmes et qui ne sera pas maîtrisé. Et puis les chats se reproduisent très vite. Même si ce sont des petites bêtes adorables, une femelle peut faire des portées de 5-6 chatons très régulièrement. Donc, exactement. Heureusement, il y a des associations qui font des campagnes de stérilisation massive, entre guillemets, pour limiter la prolifération des chats en ville. Mais voilà, c'est aujourd'hui un très très gros problème qui est sensible aussi parce qu'on touche un animal domestique, touche le bien-être animal aussi. Et voilà, il faut que les associations et les structures, et même les collectivités, travaillent de concert pour agir du mieux possible, que ce soit pour l'animal domestique ou pour la nature. Et puis j'imagine que les propriétaires de chats, ils se sentent responsables ou blâmés si leur animal a blessé un oiseau. Exactement. Et voilà. Donc beaucoup de gens nous appellent parce qu'ils sont désœuvrés, ils sont désolés. Le chat a attrapé l'oiseau, il l'a blessé. Alors bien souvent, le chat n'a pas blessé l'oiseau, mais il est juste un peu étourdi ou apeuré. Il suffit de l'isoler un petit peu et de le relâcher un peu plus tard. Mais c'est vrai que souvent, les gens sont très gênés de nous appeler parce que leur chat a fait des dégâts, que ce soit pour un serpent ou pour un oiseau. Mais il y a cette envie quand même de bien faire. Donc, quels sont les cas de figure? Donc, on parlait au printemps des jeunes oiseaux qui tombent du nid. Quels sont les cas de figure pour lesquels on vous appelle le plus souvent? Alors, il y a trois cas de figure qui concernent des groupes d'espèces assez différents. Alors, sur les oisillons, pour rester sur cette thématique, voilà, les oiseaux tombés du nid ou en tout cas qui se sont émancipés peut-être un peu trop tôt au printemps. Donc ça, c'est le cas particulier par excellence qui représente maintenant quasiment la moitié des appels qu'on traite. Donc, il faut savoir que les oisillons, peuvent tomber du nid à peu près toutes les saisons. Les rapaces nocturnes, par exemple, qui se reproduisent très tôt, dès l'hiver, on va avoir des jeunes qui vont sortir du nid très tôt, par exemple les jeunes chouettulottes, elles vont sortir au mois de février, mars, et donc les gens les retrouvent par terre et ne savent pas quoi en faire, et les amènent en centre de soins, et bien évidemment, quand ils les amènent en centre de soins, l'animal est condamné à être soigné en centre de soins et à ne pas être relâché à l'endroit où il a été trouvé. Donc en ramassant un oisillon qui n'a pas de soucis de son territoire, finalement, on dépeuple une population qui était viable à l'origine. Donc les oisillons tombés du nid, c'est une partie importante. La deuxième chose, ça concerne les serpents, on en parlait tout à l'heure, donc c'est une part aussi importante de notre fonctionnement, de par notamment l'ancienneté de l'action SOS Serpent. Donc là, les gens nous appellent pour deux raisons, généralement. Soit ils ont vu un serpent dans leur jardin, ils ne savent pas ce que c'est, et le premier argument qui vient, c'est « j'ai des animaux de compagnie et des enfants, est-ce que c'est dangereux ?» Donc on leur explique, systématiquement, on essaie de demander une photo qui nous permet d'identifier au mieux l'espèce et de pouvoir vraiment donner des informations très fidèles sur l'écologie de cette espèce. La majorité du temps, ce sont des couleuvres vertes et jaunes, voilà, qui est la couleuvre la plus commune qu'on puisse avoir dans la région. Qui s'exposent assez facilement. Au printemps, au sortir de l'hivernation, elles ont besoin de soleil pour se réchauffer. Et donc, elles attendent des fois le dernier moment pour fuir. Et si elles sont vues, elles fuient d'un seul coup. Donc, il y a ce moment-là où les gens les voient beaucoup. Et ensuite, au mois de mai, juin, c'est la période de reproduction où là, pareil, elles s'exposent un petit peu plus parce qu'elles ont une moins de méfiance des prédateurs que nous pouvons représenter pour elles. Et donc, les gens nous appellent parce qu'ils en voient un peu plus. Concernant les reptiles, une autre période où on les voit un petit peu plus, c'est au mois de septembre. Ça correspond à la période des éclosions des œufs de serpent, qui peuvent être au fond du jardin, dans le tas de compost ou dans le tas de sable ou autre. Et donc ces jeunes serpents qui vont sortir de leur œuf vont partir en exploration des territoires et tout aussi naïfs qu'ils puissent être, vont longer un mur et se retrouver malencontreusement dans un garage, dans un jardin ou dans une cuisine. Et là, l'animal est autant affolé que le propriétaire de la cuisine. Et là, on intervient pour sortir l'animal et non pas pour l'amener dans un territoire qui sera plus accueillant pour lui, parce que s'il était dans le jardin, c'était un territoire accueillant pour lui. On va le mettre au fond du jardin et on va expliquer aux gens pourquoi il est là, on va le décrire l'espèce et quand on en a la possibilité également, faire toucher l'animal aux gens, parce que les serpents en ont peur souvent par méconnaissance, et quand on connaît mieux un animal, on le respecte un peu plus. Et des fois, on fait participer les enfants aussi au relâché au fond du jardin, et ça se passe beaucoup mieux comme ça. Et le troisième cas de figure, ça concerne les mammifères, et notamment un animal que tout le monde aime, mais pour lequel souvent on agit bien involontairement de manière négative en pensant que c'est positif, c'est le hérisson. Voilà, le hérisson d'Europe, qui est un animal qui est assez connu de tout le monde. Tout le monde a envie de l'aider. Et voilà, bien souvent, quand on trouve un hérisson dans son jardin, on a l'impression qu'il n'est pas, voilà, qu'il n'est pas en forme, qu'il a des tiques, qu'il a des puces ou qu'il est amaigri. Et on l'amène dans le centre de soins. Alors que bien souvent, ce hérisson, il n'a rien demandé à personne. Il a des tiques, oui, mais c'est un prédateur naturel du hérisson. Il peut paraître amaigri, mais voilà, en période de reproduction, les hérissons mâles notamment sont fortement amaigris. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut laisser ces animaux dans nos jardins. S'il n'y a pas de blessure apparente, voilà, c'est qu'il est en bonne forme. Et il ne faut pas oublier des fois aussi que dans la nature, il y a le processus de sélection naturelle et que tout animal peut avoir un accident ou un problème qui fait qu'il n'y arrivera pas au terme de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer aussi aux gens. Dans la plupart du cas, en général, il faut laisser l'animal, s'il n'est pas blessé, bien sûr, s'il n'a pas d'accident, vivre sa vie. Et c'est sans doute le mieux qu'on puisse lui souhaiter. Parce que c'est vrai que la démarche où on l'amène à un centre, s'il n'est pas blessé, déjà, ça surcharge les équipes, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais souvent, il y a beaucoup d'animaux qui passent par ces structures. Et puis, comme vous le disiez, quand on le relâche, ce n'est pas à l'endroit où on l'a trouvé, etc. Donc, voilà. Bon, ce n'est pas facile. Hein. J'imagine que quand c'est la première fois qu'on voit un hérisson dans son jardin et qu'il a l'air un peu patraque, ce n'est pas évident de savoir quels sont les bons gestes à adopter. Exactement. Et puis, il y a beaucoup de choses qui circulent aussi sur Internet par rapport à ça. Il y a des posts aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui sont un peu alarmistes sur le hérisson. On va retrouver par exemple, si vous trouvez un hérisson de moins de 400 grammes dans votre jardin, il faut absolument l'amener au centre de soins parce qu'il va mourir, il est dénutri, etc. Ces discours alarmistes, il faut y faire très attention parce qu'en effet, on peut aider un animal, mais aider l'espèce, c'est quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'en aidant des fois des animaux qui ont eu des accidents particuliers, qui ont une malformation, qui ont peut-être une mauvaise digestion, un mauvais transit, on va des fois favoriser des gènes qui ne sont pas positifs pour l'espèce. Et finalement, en réhabilitant un animal qui de manière naturelle ne s'en serait pas sorti, on va favoriser dans sa descendance des fois un patrimoine génétique qui est plutôt négatif pour l'espèce. Et aujourd'hui, il y a des études qui sont lancées, alors je ne me souviens plus dans quelle localité, mais il y a des vétérinaires qui se sont lancés dans des études qui auraient tendance à montrer que la proximité de l'homme et du hérisson, notamment le nourrissage, le fait de le soigner, de le réhabiliter, de le relâcher, serait néfaste pour l'espèce et serait néfaste pour le hérisson en lui-même qui, du coup, aurait des capacités d'autodéfense qui sont très amoindris par rapport à ce qui se passe dans la nature. Et pour finir sur ce pôle de médiation faune sauvage, est-ce que vous savez combien est-ce que d'animaux sont amenés par saison dans ces structures ? Alors pour ne parler que du hérisson, parce qu'on travaille beaucoup avec la clinique vétérinaire, les hérissons sur la période juste avant l'hiver, donc c'est les jeunes qui vont passer leur première hivernation, c'est plusieurs centaines de hérissons qui arrivent en l'échelle de 2 semaines à la clinique vétérinaire, donc avec des petits moyens humains et des petits moyens financiers. Donc le maximum on peut laisser dans la nature, le mieux c'est. Et après les oiseaux, beaucoup beaucoup de pigeons. Qui sont en ramenés. Ville. Voilà. On est une ville, les pigeons, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les pigeons vivaient sur des falaises. Et donc, nous leur avons construit des immenses falaises que sont les immeubles. Et donc, ils trouvent des cachettes et des endroits pour se reproduire. Donc, sur la quantité de pigeons qu'il y a en ville, c'est normal qu'il y en ait qui ne survivent pas. Donc, ça fait partie des petites problématiques qui arrivent à la clinique vétérinaire. C'est qu'ils sont souvent débordés par les pigeons et les hérissons qui n'auraient pas besoin d'être soignés, d'être acheminés jusque-là. Et est-ce que dans ces appels, vous avez eu des situations très surprenantes, des animaux auxquels vous attendriez pas du tout, pour lesquels on vous a sollicité ? Oui, alors la méconnaissance des gens et la curiosité par rapport à leur jardin, des fois, nous amène à des situations ubuesques. On a eu une fois une personne, alors ça remonte maintenant, c'était au tout début du pôle de médiation faune sauvage, qui nous appelait parce que dans sa piscine, il était tombé un animal qui ressemblait, qui avait un nez de hérisson, qui avait la taille d'un sanglier et qui avait une couleur un peu noire et blanche. Et donc, du coup, on s'est posé la question de savoir ce que c'était, jusqu'à ce qu'on se déplace ou qu'on nous envoie la photo, je ne me souviens plus exactement. En fait, c'était un blaireau. D'accord. Voilà. Les gens n'avaient jamais vu un blaireau de leur vie. Et en fait, voilà, on se demandait là, ce qui pouvait être le croisement d'un hérisson et d'un sanglier. Et voilà, on est tombé sur cet animal. Donc, c'était assez ubuesque. Et un deuxième exemple, en l'occurrence sur Toulouse. Donc, c'était une personne qui nous avait appelé parce qu'elle avait vu un SDF qui avait un faucon sur l'épaule. Et donc, nous, on s'était posé la question de se dire, un faucon quand même à Toulouse, sur l'épaule d'un SDF, c'était un peu particulier. On n'avait pas pu avoir de photos avant d'intervenir. Et quand on est intervenu sur place, bah, c'était un SDF qui avait trouvé un jeune martinet noir. Et en effet, beaucoup de gens confondent le martinet et les faucons parce qu'il a une allure un peu de faucon. Et voilà, ce SDF avait trouvé ce martinet tombé. Et hélas, les martinets, quand ils sont posés au sol, ils ne peuvent pas s'envoler tout seuls. Ils ont des ailes qui sont beaucoup trop longue. C'est un animal qui se pose quasiment jamais, voire il se pose jamais du tout. Il dort en vol, il se reproduit en vol, il mange en vol. Et tout simplement, on a pris ce martinet, on l'a un peu jeté en l'air pour qu'il reprenne son envol. Il est reparti comme il était venu. Voilà. Mais c'est pas un faucon. C'était pas un faucon, c'était un martinet noir. Voilà. Quelques petites différences de taille. On vous laisse chanter comme la grenouille rousse, l'alouette et le rossignol le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on vient tout de suite sur Campus. Black Octopus de Brian Auger. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et nous revoilà avec notre invité, Michaël Nicolas, éducateur nature et coordinateur de projet au sein de l'association Nature en Occitanie. Il nous parle de son métier au service de la sauvegarde de la biodiversité et tous ses autres projets. Alors dans la première partie de l'émission, on évoquait vos différentes missions au sein de Nature en Occitanie, notamment vos actions de sensibilisation auprès du grand public. Vous travaillez en ce moment à un projet bien particulier qui s'intitule « Trésor de mon jardin ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors Trésor de mon jardin, c'est un projet qui est mené, c'est un projet miroir qui est mené en parallèle sur Toulouse et sur Montpellier. Donc on travaille avec les écologistes de Lezière, qui est une association aussi naturaliste et d'éducation à l'environnement sur cette partie-là du territoire. Et donc c'est un projet qu'on a déposé lors d'un appel à projet MOB Biodiv, déposé donc financé par l'Office français de la biodiversité. Pour lequel on a été lauréat. Et donc, se sont ajoutés comme financeurs l'Agence de l'eau Adour-Garonne et également la région Occitanie. Donc, l'idée de ce projet, c'est de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, les corridors écologiques. En gros, c'est comment un animal peut circuler, ou une plante aussi, parce que des fois on oublie que les plantes circulent grâce à leurs graines. Comment un animal ou une plante peut circuler dans un espace grâce à des réservoirs de biodiversité, donc des endroits où ils vont faire l'intégralité de leur cycle de vie, mais aussi des passerelles entre ces réservoirs de biodiversité, donc des espaces plus ou moins naturels qui vont leur permettre de circuler à l'abri des prédateurs ou de tout obstacle. Et donc, pendant très longtemps, on a travaillé sur les espaces verts, notamment publics. Donc, notamment, nous, on travaille avec la mairie de Toulouse sur des inventaires et sur de la gestion des espaces verts. Et c'est poser la question de se dire, qu'est-ce qui se passe entre ces espaces verts ? Quelle place peuvent avoir les jardins privés qui se situent entre ces espaces verts sur la circulation des espèces ? Et donc, ce projet-là, c'est vraiment cet objectif-là de pouvoir définir quel est le rôle des jardins privés dans la circulation dans la capacité d'accueil de la biodiversité urbaine. Et ces trames vertes et bleues, du coup, la différence entre vertes et bleues, c'est que s'il y a des zones humides, des zones pas humides, c'est pas ça. Du tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. Les trames vertes, c'est tout ce qui est terrestre. Donc, réservoirs de biodiversité terrestre et corridors terrestres. Et trame bleue, c'est plutôt les milieux humides qui peuvent être en part d'un lac, d'une rivière, mais aussi d'une mare, d'un bassin, d'un fossé parfois. Et ces idées, c'est vraiment de voir quel circuit peuvent faire les animaux et les plantes entre ces différents points. Comment est-ce qu'ils peuvent circuler et vivre leur vie dans ces zones-là ? Okay. Est-ce qu'ils sont là ? Et comment est-ce qu'ils sont venus ? Et comment est-ce qu'ils peuvent se déplacer pour communiquer avec d'autres populations de cette même espèce ? Et du coup, donc, ce projet Trésor de mon jardin, c'est l'idée de voir en centre-ville, dans les jardins privés, donc de propriétaires, des gens peut-être qui nous écoutent, quelles espèces on peut trouver et comment est-ce qu'elles vivent leur vie, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir... c'est aussi un outil de science participative parce que les propriétaires privés, de par le fait qu'ils accueillent cette biodiversité chez eux, vont pouvoir participer à ce projet-là. L'idée, c'est qu'ils puissent dresser et porter un autre regard sur leur jardin, plutôt comme un écosystème et non pas forcément comme un espace de détente ou un espace très, très entretenu. Donc, ils puissent dresser la carte d'identité de leur jardin et qu'ils puissent aller explorer tel Indiana Jones les fonds du jardin pour aller voir la biodiversité qui s'y trouve, les plantes, les insectes, les escargots, les mammifères, et se poser des questions sur finalement, en effet, est-ce que mon jardin est plutôt accueillant pour la biodiversité ou pas, et vers qui je pourrais me tourner pour le rendre un peu plus accessible ou un peu plus accueillant pour la biodiversité. Et c'est dans cet aspect-là que nous, on intervient. On guide les propriétaires de la partie description de leur jardin jusqu'aux conseils qu'on peut leur prodiguer pour accueillir la biodiversité. Donc, vous leur fournissez des fiches, des guides d'identification pour qu'eux, en fait, listent les animaux et les plantes qu'ils voient dans leur jardin ? Oui. OK. On a un formulaire qui leur permet de saisir des informations sur les caractéristiques de leur jardin. Donc, comment le jardin est clôturé, qu'est-ce qu'ils font dans leur jardin, est-ce qu'ils tournent régulièrement, est-ce qu'ils ont un tas de compost, est-ce que leur jardin est entouré de bâtiments, combien il y a d'arbres, combien il y a de buissons, etc. Donc ça nous aide à fabriquer la carte d'identité. Et ensuite, on a des enquêtes participatives qu'ils peuvent retrouver sur le site internet de Trésor de mon jardin. Et sur ces enquêtes participatives, ils vont pouvoir partir à la recherche de certaines espèces phares, par exemple le hérisson. On a une enquête sur le hérisson d'Europe. On a une enquête sur le crapaud, sur les crapauds ou sur les animaux de la mare. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur donner des clés de détermination, de choisir des espèces qui sont assez faciles à avoir, assez faciles à reconnaître et qui puissent tout simplement, lors d'une vadrouille dans leur jardin, se dire tiens, oui, j'ai vu cette petite araignée avec un motif de bouteille sur l'abdomen, c'est la mangore petite bouteille, je vais rentrer cette donnée sur la base de données, le trésor de mon jardin. Toutes ces données, donc j'imagine que vous, votre but, c'est de trouver le plus de gens qui ont des jardins privés dans Toulouse pour alimenter ces données. À quoi vont servir ces informations ? Alors, sur la définition du territoire, donc ce projet miroir sur Toulouse et Montpellier, donc nous sur Toulouse, c'est tout le territoire de Toulouse qui est concerné, donc n'importe quel propriétaire de jardin dans Toulouse peut contribuer à cette action-là. Et ensuite, on a un secteur prioritaire sur lequel on a identifié une continuité de jardin potentiel, une trame verte et bleue potentielle sur laquelle on aimerait avoir beaucoup de données. Ça, c'est donc, dans quelle zone ? C'est entre le quartier Saint-Michel, ouais, et le quartier Château de Lers. Donc okay. Voilà, on a essayé de faire un diamètre toulousain entre la Garonne et l'Hers, ce qui nous permet d'associer aussi des trames bleues. Et donc sur ce quartier, sur ces quartiers prioritaires, on souhaite avoir un maximum de jardins pour pouvoir avoir un maximum de données issues des sciences participatives, mais aussi grâce à des visites d'un naturaliste dans ces jardins de ces quartiers-là, pouvoir augmenter le nombre de données naturalistes sur des espèces que les personnes auraient du mal à voir. Voilà, des petits crustacés, des petits mollusques, parfois même des oiseaux que les gens savent pas forcément repérer, savent pas entendre, et qu'on puisse leur apporter des conseils pour rendre leur jardin plus perméable. Donc dans cette zone un peu spéciale, quand les gens s'inscrivent, en gros, vous mandatez quelqu'un, un naturaliste de l'équipe qui y va, qui fait pendant un certain temps l'inventaire, donc quelqu'un qui campe dans le jardin des gens et qui regarde tout ce qu'il peut voir. Oui, alors il ne va pas vraiment camper. Il y a un rendez-vous qui est pris avec le propriétaire du jardin et le naturaliste va passer, alors en fonction de la superficie du jardin, ça peut être entre 2 heures et une demi-journée, donc on s'adapte aux emplois du temps, bien évidemment, des propriétaires, et va partir à la recherche de la petite bête pour essayer d'augmenter le nombre de données. Alors, on a la chance de pouvoir faire intervenir aussi des bénévoles sur ce volet-là. Et on a un bénévole qui est aussi un partenaire, parce que le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse s'associe à cette démarche-là. Et donc, Boris Pressec, voilà, qui est connu de beaucoup de Toulousains de par son implication sur la nature en ville, nous accompagne aussi sur ce type d'inventaire. Donc, on brosse un peu toutes les thématiques du naturalisme, de la petite plante jusqu'au gros mammifère qui pourrait se retrouver dans le jardin. Et l'idée, bien sûr, hein, c'est aussi, je m'adresse directement à celles et ceux qui nous entendent, si vous êtes sur Toulouse et que vous avez un coin de jardin, essayez de rejoindre, parce que plus on a de données, plus on pourra un petit peu mieux connaître la biodiversité de ce coin-là. Donc vous le disiez, tout le monde peut participer quand on est dans Toulouse intramuros. Il y a c'est une préférence pour cette zone, mais même si vous n'y êtes pas, c'est important de s'y inscrire. Quand est-ce que le projet continue? Jusqu'à ce quand est-ce qu'on peut participer? Alors le projet, il est financé jusqu'au printemps 2023. Donc là, on est sur la deuxième moitié. Donc on doit capitaliser beaucoup de jardins là sur cette dernière phase, parce qu'en fait derrière, on va faire de la modélisation sur les capacités de déplacement des animaux. Par exemple, un hérisson, il occupe un territoire de 50 hectares. Quand une araignée va faire quelques mètres carrés, ou une abeille plus de 3 km carrés. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir beaucoup de données cette année pour que l'étude puisse être fiable et qu'on puisse avoir un rendu de modélisation qui soit assez pointu, et que ces données puissent également servir à une nouvelle cartographie du territoire également. Les documents d'urbanisme doivent prendre en compte les trames vertes et bleues aujourd'hui, et le fait d'avoir beaucoup de données sur certains secteurs, ça permet d'augmenter aussi les informations pour les documents d'urbanisme. Pour s'inscrire, c'est simple, on va sur le site Trésor de Jardin et tout est expliqué ou... C'est ça, alors vous tapez sur votre moteur de recherche Trésor de mon jardin, donc sinon il y a une adresse qui est enquête.nature-occitanie.org/trésor-jardin avec un S. Et donc vous allez sur ce site-là, donc tout est expliqué, c'est un fonctionnement par étape, des connaissances sur le projet, ensuite vous avez l'étape d'écrire, observer, et agir également, sur laquelle vous retrouverez des petits conseils pour accueillir la biodiversité dans votre jardin. Et on a aussi une adresse mail auprès desquelles les gens peuvent communiquer. Donc c'est trésordemonjardin@natureo.org. On remettra bien entendu tous les liens avec le podcast. Et donc on vous encourage tous et toutes à participer à ce grand projet. Jusqu'à présent, combien de personnes ont prêté leur jardin? Alors jusqu'à présent, on a 37 jardins aux dernières nouvelles qui nous ont ouvert leurs portes pour faire des inventaires et qui ont dressé la fiche d'identité de leur jardin. Voilà, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir certains quartiers où on mobilise ses voisins pour participer à cette étude-là, parce que vu qu'on travaille sur les corridors écologiques et sur la connectivité entre jardins, plus on aura des jardins qui sont voisins, le plus facile ce sera d'avoir une action efficace sur la circulation des espèces et sur la modélisation. Donc motivez vos voisins pour pourquoi pas faire un apéro de voisins et faire les fiches descriptives, la fiche d'identité de vos jardins mutuels grâce à cette étude. Puis c'est comme vous le dites, l'ASSO donne toutes les clés pour comprendre. Donc on peut aussi solliciter ses enfants, les grands-parents, tout le monde peut s'y mettre pour apprendre à reconnaître les insectes, les oiseaux, toutes ces petites bêtes qui habitent juste à côté de chez nous. Et pour conclure, je voulais savoir, pour nos auditeurs et auditrices qui sont tout comme moi convaincu que l'asso fait plein de choses super pour la biodiversité toulousaine et en Occitanie. Qu'est-ce que l'on peut faire en tant qu'individu pour soutenir les actions de l'association ? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Alors, aujourd'hui, à Nature en Occitanie, on a un peu plus de 1000 adhérents. Et dans ces 1000 adhérents, on a 250 bénévoles à peu près. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. Et ces bénévoles, ils interviennent sur différents aspects, sur tous les volets qu'on a présentés en introduction. Donc, que ce soit pour tout simplement adhérer et soutenir le fonctionnement d'une association. Donc, l'adhésion, c'est quelque chose qui est assez importante parce que ça donne du poids à une association. Mais aussi en s'engageant dans nos actions. Ça peut être là où ce matin même, on a des bénévoles qui nous aident à mettre sous pli des revues qu'on va envoyer à tous nos adhérents. Mais ça peut être également pour accompagner un groupe en sortie nature, pour tenir un stand. Voilà, on va être aussi amené, on ouvre la saison des animations au grand public. Donc voilà, tenir un stand, sensibiliser le public, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et on a aussi des bénévoles naturalistes qui mènent en autonomie des inventaires pour aller prospecter le faucon pèlerin en Ariège, Thomas Buzy dont tu parlais tout à l'heure, qui fait des suivis récurrents sur le Grand-Duc. Voilà. On a plusieurs bénévoles qui font des suivis naturalistes. Donc la palette des possibles est très très grande. Et d'ailleurs sur notre site internet, on a un petit livret du bénévole à télécharger où il y a une vingtaine de fiches avec des implications possibles et chacun peut s'y retrouver, même sans avoir de connaissances naturalistes. Il suffit juste d'avoir un petit peu de disponibilité, que ça peut être quelques jours dans le mois ou peut-être même d'avoir un jour dans l'année et chaque main tendue peut être saisie. Et puis l'adhésion, c'est aussi un support financier. L'adhésion n'est pas très chère. Non, on est sur une adhésion individuelle à 20 euros pour étudiants à 10 euros également sur l'année. Il faut savoir qu'avec votre adhésion, voilà, vous recevez une revue qui s'appelle Les Pêches du Midi, qui est une revue sur l'environnement, sur le fonctionnement de l'association, mais aussi sur le contexte régional qui est assez riche. Voilà, ma collègue Camille Dirda s'occupe de cette revue et c'est une revue assez qualitative. Et ensuite, vous pouvez participer à nos nombreuses sorties nature aussi gratuitement. On a une trentaine de sorties nature qui sont proposées par nos bénévoles dans le cadre de notre programme de rendez-vous nature et elles sont accessibles à tout le monde et la gratuité pour les adhérents. Oui, donc ça vaut tout à fait le coup. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël, d'avoir avec partagé plaisir avec nous les multiples facettes de votre métier. On vous souhaite le meilleur dans tous ces projets et on a hâte de connaître les résultats du programme Trésor de mon jardin. Comme je le disais, je vous remets tous les liens si vous avez envie de vous impliquer. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. J'aimerais tout d'abord dédier cette chronique sur le gypaète barbu à l'illustrateur naturaliste et aquarelliste Alexis Nouéa, qui affectionnait tout particulièrement ce fantôme des cimes qu'il a maintes fois représenté dans ses travaux. Disparu l'an passé, on pense bien entendu très fort à lui et à sa famille. Pour nourrir ce récit sur le gypaète barbu, je me suis inspirée du film documentaire « La fabuleuse histoire du gypaète » réalisé par Anne et Eric Lapier et diffusé par La Salamandre. Entrecoupé de figures aériennes de ce vautour hors du commun, accompagné des plus grands airs d'opéra, on suit le parcours de cet oiseau dans les Alpes à travers le regard de passionnés. Le duo de réalisateurs a rencontré deux biologistes spécialistes du gypaète, le Suisse François Biola et le Français Étienne Marlet, qui nous content ses péripéties. Un documentaire à la fois historique, instructif et qui redonne un peu d'espoir. Vous pouvez également retrouver le podcast Animaux Sauvés sur YouTube avec un numéro dédié aux casseurs d'os sur la chaîne YouTube d'Antenne Zoologie. L'histoire d'Echille et son étrange origine est contée avec humour sur le compte Instagram de Silly Burn Names. Je vous mets bien entendu tous les liens dans la description. Pour poursuivre vos réflexions sur la biodiversité de nos jardins, héroïne du projet Trésor de mon jardin défendu par Nature en Occitanie, je vous propose deux ouvrages. Le premier est le livre intitulé « Le petit peuple des chemins » de François Lasserre, naturaliste au texte, et du photographe Stéphane Hett à l'image. Ce bel ouvrage, au format allongé d'environ 130 pages, est publié aux éditions Plume de Carotte. Sur chaque double page, une photo sur fond blanc et un texte court nous présentent nos voisins et voisines ordinaires de tous les jours. On y croise aussi bien nos compagnons domestiques, chats et chiens, mais aussi d'autres habitants et habitantes du coin, comme la grenouille rousse, le triton alpestre ou encore le silure glane, ce fameux poisson-chat qui atteint des proportions impressionnantes. On y aperçoit également le rat des champs, le lombric, le renard, le pique-et-pêche, mais aussi de nombreux insectes bien souvent boudés du grand public, tels que la dectycelle cendrée, une sauterelle couleur d'écorce, l'entraîne du bouillon blanc, un coléoptère grignoteur, ou encore l'agrillon élégant, une fine libellule d'un bleu éclatant. Les textes courts de François Lasserre vous expliquent simplement l'étymologie du nom de l'animal, ainsi que certaines de ses habitudes de vie. Le tout est magnifié par les superbes photos de Stéphane Hett, qui emploie un dispositif ingénieux en insérant des écrans blancs derrière ses sujets, le plus souvent en pleine nature. Une plongée éblouissante et rafraîchissante dans le quotidien de tous ces animaux qui nous entourent et nous observent. Pour conclure, et c'était l'une des suggestions de Michael, notre invité, je ne peux que vous inciter à découvrir la superbe bande dessinée L'Oasis, illustrée et scénarisée par Simon Hureau et éditée aux éditions Dargaud. Ce récit autobiographique de plus de 100 pages raconte comment l'auteur et sa famille ont transformé le jardin tristoun et désert de leur nouvelle maison en un milieu foisonnant de vie. On suit ses expérimentations, ses grandes joies et ses désillusions, mais aussi la découverte de toutes ces plantes et ces animaux qui font de ce coin de terrain leur chez-eux. Émerveillez-vous avec eux de la diversité que peut habiter un petit bout de territoire protégé. Outre le message d'espoir qui démontre que rien n'est jamais perdu et que chacun de nous peut s'y mettre, les dessins tout à l'aquarelle de Simon Hureau sont un enchantement qui donne envie de croquer de son crayon les habitants du coin. Un très gros coup de cœur que je vous conseille chaleureusement. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.